533. Activation, dictation. Listen and complete. You will hear the dialogue three times. Conversation avec Cécile, Jean-Denis et Marie-Laure. Vous êtes mariés tous les deux ? Oui. Nous sommes mariés. Et toi, tu es mariée ? Non, je ne suis pas mariée. Vous êtes mariés tous les deux ? Oui. Nous sommes mariés. Et toi, tu es mariée ? Non, je ne suis pas mariée. Vous êtes mariés tous les deux ? Oui. Nous sommes mariés. Et toi, tu es mariée ? Non, je ne suis pas mariée.